La maison d'édition Lossiski Pistatelli de Russie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, le service fidèle pour les masses populaires et le mode d'existence et la source de la force invincible du Parti du Travail de Corée. La cérémonie de parution a eu lieu le 6 janvier sur place. L'orateur y a dit qu'il s'est convaincu parfaitement de la foi et de la volonté du camarade Kim Jong-un, dirigeant suprême de la Corée, qui veut servir le peuple, de son amour et sa confiance ardent envers le peuple en lisant son œuvre. Il a souligné que son message de nouvel an est aussi un document historique qui représente la noble conception du peuple.